est du genre alternative. Un jour c'est oui, l'autre c'est non. Le matin elle est positive et le soir même elle a le bourdon. Elle est du genre à faire la gueule quand on lui dit qu'elle est jolie et à se sentir un peu seule quand personne le lui dit. Elle est du genre irascible même quand la vie lui sourit. Elle est du genre susceptible, même si elle aime la répartie. À force de changer de route, elle en a semé ses envies. Elle s'est enfoncée dans le doute et au bout du compte elle s'ennuie. Elle cherche dans des aventures de quoi combler le vide de ses nuits. Mais elle se dit même si c'est dur que ça sera peut-être l'homme de sa vie. Elle est un peu excessive mais a besoin de compagnie. Elle est un peu possessive mais faut qu'on la laisse vivre sa vie. Un jour tu me remercieras. En attendant, faut que je te laisse. J'ai un rendez-vous important ce soir avec une déesse qui change d'avis tout le temps.